Étant donné qu'on a accueilli 6 nouvelles entrées, en voici 6 qui s'en vont dans Palmer Rest in Peace. Just mountains of change. Voici les pièces qu'ils ont quittées depuis les précédents palmarès. David a pris sa grosse voiture pour aller embrasser le mur. Till you make them your own. But hey, do I know? extraits des pièces qui ont quitté les palmarès assez fous depuis l'édition du 13 au 19 avril 2015. On a débuté avec Huit Clos qui s'est fait emprisonner avec la danse des morts qui a duré 8 semaines. Ensuite, Amor Blitz s'était rendu au sommet mais a dégringolé avec Kilimanjaro 10 semaines. Joe Plaskett et The Park Avenue Sobriety Test a été arrêté pour conduite en état d'ébriété, je pense, avec 4 semaines seulement. C'est vraiment dommage. J'aimais beaucoup cette pièce-là, mais bah, apparemment que ça n'a pas passé le test. Ensuite, Towers et Rooftop qui a duré 5 semaines. Oui, tombé en bas du toit. C'est un peu le même gag que Kilimanjaro, mais que voulez-vous? Ça, c'est pas une pièce qui va me manquer tant que ça. Par contre, Belle and Sebastian avec The Party Line, la fête s'est arrêtée après 5 semaines. Ça, c'est un cas particulier que je ne comprends pas comment cette pièce a pu durer seulement 5 semaines. Elle était fantastique, ça avait l'air de faire consensus, tout le monde a aimé ça, mais du jour au lendemain, whoop, bye, c'est disparu. Et finalement, White Horse est tombé en bas de son cheval, oui, 3 fois le même gars. Downtown a duré 10 semaines, ça a duré vraiment très longtemps, et c'est d'ailleurs la pièce avec laquelle on s'est quitté, on l'a entendu au complet, parce que à chaque semaine, je choisis une pièce qui m'a assez marqué pour être rejoué une dernière fois comme eulogie. Au revoir à ces pièces-là. Palm Rest in Peace, reposé en palmarès. Voilà. Traduction littérale de Palm Rest in Peace pour ceux qui n'avaient pas compris le gag depuis quelques temps. On fait Palm Rest in Peace en début d'émission juste après les nouvelles entrées.